Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. On va se faire un petit rappel utile pour être certain de ne pas oublier. Quand le gouvernement annonce quelque chose au fédéral, au provincial ou au municipal, quand il annonce quelque chose, un investissement, une dépense, l'instauration d'un programme, un nouvel édifice, une subvention extraordinaire, comprends-tu? Vous voyez ce que je veux dire, là? Ben oui, on les voit quand ça se passe, le sourire fendu jusqu'aux oreilles et même au-delà, poignée de main artificielle avec un gros chèque en carton, là. On se fait une conférence de presse, un événement de presse, public invité pour se féliciter, pour que le gouvernement dise à quel point il est fin, puis il est bon, puis à quel point il est généreux avec nous, hein? Voyez l'image, là. T'sais, ça rit, ça s'attend à ce que le maire en place, là, baise les pieds publiquement du ministre délégué qui est venu lire un petit carton sur lequel il justifie l'investissement qu'il a magnanimement accepté de consacrer aux simples mortels qui sont devant lui. J'ai dit ça en me moquant, mais vous voyez le tableau, là. Je pense notamment à l'annonce récente des 32 millions pour l'aide à l'innovation dans les régions. Tu sais, c'est bien, c'est correct, c'est bien. Ça, y a pas de doute là-dessus. C'est encore de l'argent pour aider des entreprises à faire des profits privés avec l'argent public, mais ça, je rentre pas là-dedans, ça justifie. Mais juste pour rappel, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau qu'ils vous font. C'est pas un don généreux qu'ils nous font. C'est notre argent. Les gens de la région de Québec payent des taxes et des impôts comme les gens de toutes les régions du Québec. Pourquoi? Justement pour ça, pour en revoir la couleur sous une forme ou sous une autre. Les gouvernements tendent à saupoudrer, hein, souvent, c'est vrai, mais en même temps, chaque région qui paye ses impôts confie son argent à un tiers, donc le gouvernement, pour qu'il lui rende des services. Les services prennent la forme de routes, d'écoles, d'hôpitaux, de services de loisirs, de cabanes pour que les patineurs puissent enfiler leurs patins au chaud. Ça prend la forme de programmes de soutien, d'aide au démarrage, etc., etc., etc. Bon, c'est juste normal. C'est normal que ça revienne. C'est pour ça que vous payez. Bien sûr, l'administrateur public, l'élu, aura le mérite de bien gérer ou pas l'argent qu'on lui confie. Il y a un rôle à jouer, ça c'est sûr, c'est fondamental, oui. Mais c'est juste que quand je les vois tous rire, se taper dans le dos à continuer de pousser cette image très forte que le gouvernement est généreux à chaque fois, c'est comme un bémol dans l'esprit, tu sais, ça m'agace. Parce que c'est plutôt le contraire. Nous, on a choisi de se doter d'un système politique et économique où le gouvernement joue un rôle. On lui confie un rôle, on lui confie notre argent. Et on s'attend à ce qu'il bouge, à ce qu'il investisse, à qu'il stimule sa société. Et c'est ça. On aurait pu opter pour un modèle où on se dit « Ah, l'État débarrasse là, les gens là, qui se débrouillent tout seuls. » On aurait pu. Mais on a choisi de se tenir, on a choisi un État qui intervient, et pas en étant désincarné comme souvent on essaie de nous le faire croire. Non, non, non. Tout ça parce que on a un système représentatif des élus. Tout ça parce que l'État, ben, c'est nous. Hein? C'est vous, c'est moi, c'est... Puis nos délégués, ben c'est les élus. Et les élus nous redonnent ce qui nous revient. C'est donc normal. C'est tout à fait normal. Fait que quand vous enverrez un autre là, un chèque de 2 pieds par 4 pieds en carton, puis dans une belle conférence avec les Kodak, puis tout, là, ben vous pourrez vous dire « Hey, c'est à moi ça ». Bienvenue à Econophile. Alors, vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, blog, on est là. Allez sur la page Facebook pour nous suivre, Econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, bien sûr, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore, ben Econophile.net, vous y arrivez directement. Econophile.net, c'est pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado. Quand ça fonctionne, qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles, plus de 50, dans la section émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour. David Lemelin, bonjour. On a encore un bon sujet, c'est pas que des semaines, je trouve ça plate, au contraire, je trouve qu'on se défend assez bien, mais cette semaine, encore une fois, passionnant, vraiment, Gary Becker, un homme à découvrir. Oui, puis c'est pas un joueur de hockey. Non, c'est vrai, c'est un joueur défenseur offensif, je sais pas où est-ce qu'on le classerait, mais il parle du capital humain, ce qui est en principe deux mots qui vont pas ensemble. Oui, d'ailleurs, j'ai noté, c'est un petit peu amusant, mais il y a des linguistes allemands en 2004 qui ont dit que c'était le plus mauvais jeu de mots de l'année, capital humain, ça marche vraiment pas ensemble. C'est vrai pareil, hein? Le mot capital, on a une connotation humain, donc capital, c'est pas humain, c'est plus technique. Oui, c'est un peu comme développement durable. Je sais que les écologistes n'aiment pas tellement la partie développement du mot de développement durable, mais il reste qu'on va peut-être montrer que Becker, peut-être qu'il peut plaire aux gens de la droite, mais il peut plaire aux gens de la gauche également. Effectivement. Et pour en parler, je me suis, moi, entretenu avec l'économiste Jean-Michel Cousineau, professeur à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal, un spécialiste de la formation, de l'emploi et des salaires sur les marchés du travail. Il en connaît des masses à propos du capital humain, il connaît bien Gary Becker et tout ce que ses idées ont pu donner, finalement. Donc, on l'entendra un petit peu plus tard. Et puis, question de la semaine, on est dans le ton, Jean-Claude. Oui, on a la Saint-Valentin qui approche à grands pas. La question est, quel est l'effet du chocolat sur la balance commerciale du Canada? C'est pas juste la balance, c'est sur la balance commerciale, c'est ça? Exact. Ben, les deux. Réponse en fin d'émission. Sur cette ère de Blade Runner, Jean-Claude, on va commencer tout de suite. Gary Becker, donc on en a parlé rapidement. C'est qui ce gars-là, comme disait Lucien Bouchard? Oui, bien sûr, c'est un économiste. D'ailleurs, c'est prix Nobel d'économie en 1992. Il était né en 1930, il est décédé en 2014. C'est quand même assez récent, il a vécu assez longtemps. Prix Nobel, donc, qui a popularisé un peu l'idée du capital humain. Même s'il n'avait pas inventé le concept, c'est un gars qu'on connaît bien. C'est Pigou qui a inventé la formulation capital humain. Mais Becker l'a quand même développé, puis l'a appliqué. Ce qui est intéressant, bon, on va sûrement le voir dans l'émission, notamment avec M. Cousineau, c'est que ça intéresse à la fois les décisions individuelles. Le capital humain, ça concerne l'individu, les personnes, mais également la société, l'ensemble de la société et de l'économie. Oui, parce qu'il réussit vraiment dans sa réflexion à mêler des concepts qui, en principe, vont pas ensemble. Déjà, même, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a des mots comme la famille, le couple. Il s'intéresse, dans le fond, il est capable d'appliquer, pense-t-il, à l'économie à peu près n'importe quoi. Là. Ben moi, c'est ce que je trouve intéressant. Il a comme un peu renouvelé ou rénové ou mis à jour le vieux concept d'Adam Smith là, de l'homo economicus, l'aide très rationnel, qui calcule toujours qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça y coûte pour prendre des décisions économiques de produire ou d'acheter. Lui, il a appliqué ça à d'autres domaines, des domaines de la vie courante. Là. Je me marie ou est-ce que je me marie ou est-ce que je divorce selon le cas? Est-ce que j'ai un troisième enfant ou un quatrième? Est-ce que je poursuis mes études? Est-ce que j'achète de la drogue? Est-ce que c'est... Toutes sortes d'éléments de la vie humaine, lui, il a réussi, puis c'était ça son génie puis son intérêt. Il a réussi à montrer que le modèle économique fait s'appliquer à toutes sortes de sphères de la vie humaine. Non pas seulement dans l'économie au sens strict. Et ce qu'on va entendre aussi de la bouche de M. Cousineau, c'est qu'il a aussi réveillé sa société. Hein, parce qu'avant qu'il tienne ces propos-là aux États-Unis d'Amérique, on n'était pas là du tout. Là. Oui, c'est ça. Bien, je pense que c'est l'aspect peut-être plus à gauche, le plus progressiste de la contribution de M. Becker et du capital humain. par exemple, faire prendre conscience aux élus, aux décideurs, aux, et peut-être même aux gens d'affaires, que l'éducation ou la santé de la population, c'est important, parce que si tu veux produire, il faut que ton monde soit compétent, puis il faut que ça aille en forme aussi. Effectivement. Donc, on va écouter tout de suite, si tu le veux bien, le professeur Cousineau, et puis tout de suite après, on va commenter et parler vraiment plus en profondeur du concept de capital humain dans quelques instants. Allons-y, on l'écoute. Pour parler de capital humain, il y a un incontournable, un homme qui est incontournable quand on se met à lire là-dessus, c'est M. Becker. Qui est-il? Gary Becker, qui était professeur à l'Université de Chicago et qui a obtenu le prix Nobel d'économie pour son volume, notamment intitulé Human Capital, qui a été publié en 1964. Et donc, on peut dire que c'est le découvreur de la théorie du capital humain. C'est ça, dans le fond, qui est particulier, c'est qu'il a été le premier à dire, bon, ben, on peut bien parler de capital matériel, financier, tout ça est intéressant, mais l'humain doit compter là-dedans, c'est ça. Là. Oui, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est dans le langage courant. Vous avez des départements des ressources humaines à la Ville de Montréal, il s'appelle le département du capital humain aujourd'hui. Quand ça est paru, au tout début, il y avait des résistances. Les gens voyaient très mal qu'on associe capital et humain. Ça semblait deux choses absolument incompatibles. Et là, aujourd'hui, c'est dans le langage courant. Monsieur Becker a changé la mentalité du globe entier. Alors, c'est une notion qui est maintenant acceptée. Qu'est-ce que c'est que le capital humain pour que les gens sachent là, qu'on puisse circonscrire un peu le concept? Là? Bien, le capital humain, c'est une analogie qui a été faite et qui dit que les personnes, dans le fond, peuvent, par leurs études, investir, dépenser, de telle sorte que, dans le futur, à cause de cet investissement, de ces dépenses-là, ils vont réaliser des revenus futurs. Mais un investissement, là, c'est quelque chose qui est une dépense immédiate. Pourquoi? Pour avoir des revenus plus élevés dans le futur. Alors, ça se différencie d'un bien de consommation qui est une chemise, parce que là, je la consomme, puis bon, je suis confortable dans ma chemise. Mais un investissement, c'est j'achète un édifice à appartement, j'achète une batteuse moissonneuse. Pourquoi? Parce que là, je dépense immédiatement pour avoir de meilleurs revenus dans le futur. Et c'est de cette image-là que s'est inspiré M. Becker pour dire les gens, quand ils étudient, au-delà notamment du niveau secondaire, ils procèdent à un investissement en capital humain. D'ailleurs, c'est vraiment, on sait qu'il n'y a pas juste l'éducation, mais c'est vraiment l'éducation qui peut être le paramètre le plus clair et le plus évident à comprendre pour illustrer le principe, c'est-à-dire que tu te payes des études, tu étudies longtemps, éventuellement, en principe, en tout cas, tu auras un salaire qui est supérieur à ce que ça aurait été si tu avais moins étudié. Donc, tu auras plus de revenus. Là. C'est là-dedans que tu investis, c'est ça. Là. Tout à fait. Et comme vous dites, là, tu aspires à avoir des revenus plus élevés. Ça, c'est une des théories que j'enseigne et qui est la plus universelle. C'est vérifié au Japon, c'est vérifié en Israël, c'est vérifié aux États-Unis. En moyenne, les personnes qui ont un niveau de scolarité plus élevé ont tous, dans tous les pays, à toutes les époques, des revenus qui sont aussi plus élevés. Donc, c'est vraiment une théorie qui a sa place et qui est soutenue par la réalité. Il y a aussi quand même d'autres éléments, je le sais, dans le capital humain. On parle de l'éducation, mais on parle aussi, je pense, même de la formation de l'individu, là, ses qualités, ses aptitudes. Il me semble même Becker allait jusqu'à dire les attitudes, c'est-à-dire être ponctuel. il y a quelque chose de capital humain là-dedans. Là. Il y a plusieurs facettes, si j'ai bien compris. Là. Tout à fait, il y a plusieurs facettes. Bon, puis là, par curiosité, si vous voulez, là, je peux peut-être, je ne sais pas si vous avez pensé que c'est une digression, mais le moment où cette théorie-là a été articulée a répondu à un problème bien particulier aux États-Unis, et je vous en fais part. C'est que en 1957, les Russes ont lancé un Sputnik. Et là, ça a été vraiment là un choc pour les États-Unis en se disant, ça y est, le système communiste et se montre une supériorité, puis là, ils vont pouvoir mettre des bombes un peu partout, puis on est fait. Et Becker est arrivé en disant, savez-vous pourquoi c'est comme ça? Ben c'est parce que nous, là, on n'a pas fait les bons investissements investissement en capital humain. Ce qui arrive, c'est que pour acquérir le capital humain, il faut avoir des sous, il faut avoir des ressources. Et les banques ne veulent pas prêter sur les individus. On ne peut pas se déclarer, si je ne paye pas, prenez mon corps. Et à ce moment-là, compte tenu de l'imperfection des marchés, ben les États-Unis, dans le marché libre, n'ont pas formé assez de monde parce que les gens qui étaient moins riches ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, il faut faire des prêts et des bourses. Et c'est depuis Becker qu'il y a des prêts et des bourses dans les systèmes capitalistes. Et c'est depuis Becker que, grâce à ce soutien, ce support-là, ben les Américains ont pu aller sur la Lune. Parce qu'ils ont formé, assez d'ingénieurs, ils ont formé assez de capital humain. La poule est là. Ouais, Jean-Claude, effectivement, moi j'ai trouvé ça très intéressant, surtout la finale, quand on se rend compte que le contexte historique, politique, a un rôle à jouer fondamental. Ouais, tout à fait, mais c'est intéressant le rappel que M. Cousineau a fait là, du Spoutnik. Je connaissais pas du tout ce genre d'historique, là, mais c'est intéressant de voir que peut-être grâce aux Russes, finalement, aux Soviétiques et aux Spoutnik, Becker a pu avoir une certaine crédibilité, puis inciter les pouvoirs publics, finalement, à investir davantage dans l'aide aux étudiants, dans le développement du capital humain, en tout cas dans sa partie éducation, la partie éducation du capital humain. Quand même, peut-être j'aimerais ajouter quand même à ce que M. de Cousineau vient de dire, qu'il y a un peu un phénomène de poule et d'œuf là-dedans, parce que qu'est-ce qui vient en premier? C'est-à-dire, est-ce que les gens, étant de plus en plus éduqués, sont de plus réceptifs à ça? Comment est-ce que ça commence, le capital humain? Pour investir dans la santé et dans l'éducation, est-ce qu'il faut être déjà riche ou est-ce qu'on est riche parce qu'on a investi dans l'éducation et dans la santé? Je ne sais pas exactement, je ne sais pas si M. Becker avait exploré cet aspect-là, mais dans quel ordre les choses, cet aspect de cercle vertueux se produit. Là. Est-ce qu'il faut être riche d'abord ou est-ce qu'il faut avoir du capital humain d'abord? Probablement que les deux avancent un petit peu en parallèle, j'imagine. Puis c'est une question de mentalité individuelle et publique. Si tu me permets, ce que tu dis là est directement en lien avec l'article sur riche et instruit comme un Norvégien, je pense que ça irait bien à ce moment-là. Ouais. Juste pour vous donner une petite idée, on a posé la question, ça s'est paru dans la presse le 5 février dernier, qui sont les citoyens les plus riches du monde? On a posé cette question. Eh bien, il y a la Banque mondiale qui s'est penchée là-dessus et ce sont les citoyens de la Norvège qui sont les plus fortunés du monde. Imaginez-vous donc. Oui. Alors, on dit que pour la première fois, l'institution de Washington affirme que le développement durable passe par la gestion d'un portefeuille d'actifs comprenant les ressources produites, donc le PIB d'un pays, mais aussi ses ressources naturelles et ses ressources humaines. Hein? La richesse, la vraie, doit donc prendre en compte, outre sa production de capital, c'est-à-dire machines, bâtiments, services, etc., son capital humain, donc formation et expérience de la population active, son capital naturel, bien sûr, les forêts, les mines, les terres arables, et ses actifs nets à l'étranger. Donc, vous voyez qu'on on considère la richesse dans son ensemble, et sur cette base élargie, ben les Norvégiens figurent au sommet d'une liste de 141 pays avec une richesse de 1,67 million US par habitant. Quand même pas mal, c'est des données de 2014. Alors, le capital humain avant le pétrole, c'est ça qu'on dit, c'est vraiment, je trouve ça intéressant vraiment, puis on dit qu'il ne peut y avoir de développement durable si nous ne considérons pas le capital humain comme le plus grand facteur de la richesse des nations. Voilà. Mais ce qui est d'autant plus, c'est des données qui viennent de la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui est en même un organisme du consensus de Washington que nous-mêmes avons été amenés à critiquer à quelques reprises pour son idéologie néolibérale à l'époque. Mais même eux, tu vois, se rendent compte que le capital humain, ou à tout cas l'admettent, le reconnaissent. Puis moi, ce qui me fascine dans le cas de la Norvège, c'est que c'est un pays pétrolier, un pays très, très riche à cause du pétrole, mais sa richesse ne repose pas d'abord sur le pétrole, elle repose d'abord sur le capital humain, c'est-à-dire l'éducation de sa population. Ça me surprend que tu n'aies pas ajouté du même article que M. Trump invite les Norvégiens à émigrer aux États-Unis. En effet, oui, c'est pour toutes sortes de raisons, hein, parce qu'ils ne viennent pas de shithole, c'est ça qui est leur grand avantage, mais... Ben, je ne suis pas sûr que je sois très intéressé à aller aux États-Unis, justement parce qu'ils sont très éduqués. Tout à fait, ils sont assez éduqués pour ne pas y aller. Mais c'est intéressant aussi parce que ça pose la question sur le coût de l'éducation, le coût, en fait, la gratuité même scolaire, parce que dans le cas de la Norvège, mais de certains pays scandinaves, si on parle aussi de l'Allemagne qui est cité en exemple, on dit ça coûte peu ou pas cher. Là. Mm. On a investi, on a décidé de faire ça très accessible dans ces pays-là, justement. Tout à fait, oui. Puis peut-être, moi, j'aimerais ajouter quand même que le Canada figure assez bonne, arrive au septième rang parmi les 141. 141. Et on devance les Américains là-dessus. Donc, et on devance les Français aussi. Je sais pas si on doit... Je voudrais te mentionner brièvement que la Banque mondiale, M. Cousineau l'a évoqué aussi, que c'est un concept, le capital humain, qui est de plus en plus accepté, qui est même très accepté, non seulement par la Banque mondiale, par l'ONU, sur l'indice du développement humain. On se rappelle que l'ex-premier ministre Jean Chrétien aimait rappeler qu'on était le plus meilleur pays du monde, puis il se fiait beaucoup sur l'indice du développement humain de l'ONU. Effectivement, c'est un concept qui est très différent du PIB, mais qui reflète justement la notion de capital humain, parce que parmi les composantes de l'indice du développement humain, le mot le dit presque, il y a toute la dimension capital humain, la population, l'éducation, la santé, des choses comme celui-là. Ou à l'échelle québécoise, l'Institut de la statistique du Québec, ceux qui veulent, c'est intéressant d'aller consulter le site, il y a beaucoup de données sur le développement durable, puis parmi les indicateurs de développement durable, il y a tout un bloc qui s'appelle capital humain. On a différentes variables qui mesurent la progression ou le recul, selon le cas du Québec, là, concernant différentes variables rattachées au capital humain. On va en parler aussi un petit peu plus tard par rapport à l'éducation, parce que ce qui va être intéressant quand on va entendre M. Cousineau, c'est qu'il est capable d'aller très large par rapport à ce concept-là. Pas juste dire on va former du monde pour être capable d'exécuter une tâche X. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais reste que l'économie du savoir, quand tu dis tantôt que c'était accepté, effectivement, je ne pense pas avoir entendu un seul politicien ne pas prononcer ces mots-là aujourd'hui. Là. L'économie du savoir, on est très conscient dans notre société que ça passe par là, parce que de toute façon, même sur le strict plan manufacturier, même si on voulait se battre, c'est même pas arme égale. Non, mais c'est beaucoup basé là-dessus, effectivement. Là-dessus, l'innovation repose beaucoup sur le savoir, puis de plus en plus, en concurrence avec des pays qui sont aussi de plus en plus éduqués, donc la barre est de plus en plus haute par rapport à ça. On va écouter tout de suite, si tu le veux bien, la deuxième partie de l'entrevue que M. Cousineau pourra commenter au retour, parce qu'il va élargir un petit peu sur les champs d'intérêt de Becker, et c'est extrêmement intéressant. Alors, voici. Donc, ils ont compris que d'investir dans l'éducation, dans la formation, il y avait vraiment un plus, parce qu'avant ça, on se disait, quoi, c'est ton problème personnel? Ben c'est ça. Puis, on ne se rendait pas compte qu'on n'exploitait pas tout le potentiel de la population. Il fallait vraiment donner accès à plus de gens, que c'est le talent qui devait permettre de pouvoir accéder aux postes et aux fonctions les plus productives et non pas le budget ou les moyens financiers. Ce qu'on constate aussi quand on s'intéresse au capital humain, c'est que ça a vraiment des effets assez larges. Hein. Si on est plus éduqué, souvent de meilleures conditions, on parle même, il fait même des liens avec une vie plus longue. C'est assez étendu là, comme impact. Là. Oui, c'est très large. Effectivement, M. Becker a pu étendre cette conception-là à plusieurs dimensions de la vie, même au mariage, au crime, à toutes sortes d'éléments où on peut introduire les éléments économiques puis comprendre mieux les phénomènes qu'on peut observer. Parce que ça aussi, hein, c'est quelqu'un qui a décidé, qui fait partie de ceux qui ont voulu appliquer l'économie, même dans les sphères où, d'emblée, il n'y a pas de mariage. Là. Quand on parle, entre autres, du crime, c'est vrai qu'il s'est intéressé à ça. Puis, en principe, on ne devrait pas faire de calcul économique avec ça. Oui, mais ça marche. Parce que, vous voyez, la force de la théorie du capital humain, Becker, c'est que quand on regarde dans les faits, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on se dit à supposer que les criminels soient calculateurs, puis là, ils sous-pèsent le coût d'enfreindre telle loi versus la probabilité de se faire prendre, mais à ce moment-là, il devrait y avoir plus d'infractions sur telle loi. Parce que là, c'est là que les faiblesses sont les plus grandes. Les gens ont le plus de chances de réaliser le maximum de bénéfices en enfreignant la loi. Ben c'est là qu'on les trouve, effectivement. Il y a une chose qui est particulière chez Becker, c'est qu'il s'est beaucoup intéressé aux questions privées. Hein. Il s'est intéressé à la famille. Ça a même une influence sur le nombre d'enfants, puis il parlait des mariages aussi. Donc, il y a tous ces aspects-là qui entrent en ligne de compte dans sa réflexion. Oui, tout à fait, qui a acheté des éclairages nouveaux, qui peut faire scandale au moment où ça a été présenté, mais qui se sont avérés vrais et utiles pour les politiques publiques, puis nous ont fait comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre avant. Fait que c'est vraiment un pas en avant. La critique la plus sévère est venue dans le domaine du capital humain, elle est venue de Harrow, un autre prix Nobel. Et ce qu'il a dit Harrow, c'est que Alors que Becker dit que étudier donne de la productivité, Arrow dit que ça en donne aucune. Ça donne absolument rien d'étudier. Tout ce que ça donne un message aux employeurs de sélectionner les gens qui ont fait des études pour dire que ces gens-là vont être capables de faire leur métier. Un bon métier, ils vont pouvoir apprendre. Et à ce moment-là, si on suit la logique de Arrow, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des cégeps et des universités. Il suffit de faire un bon test de sélection après le secondaire, puis identifier les personnes qui vont être les plus aptes. Alors, ces deux grands géants-là se sont confrontés au terme des idées. Et aujourd'hui, on sait que étudier, c'est à la fois un signal qui dit aux employeurs qu'on a des habiletés pour apprendre le métier qu'on devra appeler, en même temps que une source d'acquisition de productivité. Ceci étant variable selon la formation qu'on acquiert. Si on acquiert une formation professionnelle, ben ça va être plus la productivité qu'on va aller chercher. Si on acquiert une formation plus large, culture et autres, bien c'est des habiletés qu'on va aller chercher pour exercer mieux ce qu'on nous demandera de faire. Jean-Claude, donc, commentaire sur la petite prestation de M. Cousineau? Oui, bien, c'est intéressant. Il a mentionné effectivement que l'approche du capital humain puis l'approche de Becker s'applique à des aspects de la vie privée jusqu'à un certain point. Donc, avoir des enfants ou pas, ou en avoir plus qu'on en a présentement. Peut-être que ça me rappelle que M. Cousineau était sûrement au courant aussi. On a eu un congrès de l'Association des économistes il y a quelques années où il y a un universitaire belge, M. Delacroix, qui est venu. Puis justement, je me souviens pas qu'il a cité Becker, mais c'était vraiment l'approche de Becker. Lui, il montrait un peu pourquoi les couples en Occident ont de moins en moins d'enfants maintenant. C'est parce que c'est à cause de la valeur que les femmes accordent à leur temps, c'est-à-dire que les femmes vont de plus en plus sur le marché du travail, parce que c'est de plus en plus payant. Les femmes sont de plus en plus éduquées. Et donc, si elles restent à la maison, bien, elles sacrifient davantage d'argent qu'une femme qui sera au salaire minimum. La perte sera beaucoup moins grande pour elle. Et donc, lui faisait vraiment le lien direct avec ça. Il expliquait pourquoi, donc, en Occident, on avait de moins en moins d'enfants. L'autre élément aussi, c'est qu'il disait, c'est que les parents, maintenant, préfèrent avoir moins d'enfants, mais de meilleure qualité. C'est un peu comme si c'était un produit. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils disent, je vais avoir seulement qu'un ou deux, peut-être trois enfants. Mais comme du monde. Mais je vais mettre vraiment le paquet là pour qu'ils soient bien éduqués, puis c'est aller dans une grande université, puis privilégier dans le fond la qualité de leur capital humain personnel et familial. Au lieu d'avoir 17 ou 19 enfants comme mon grand-père, puis je parie qu'il se trompait de nom tout le temps. mais tout ça pour dire, je voudrais te ramener aussi quand même à la notion, j'ai bien aimé ça, le bout sur l'économie du crime. Intéressant. Puis je vais lire juste un petit extrait qu'il y avait sur Wikipédia. Bon, scientifiquement, vous critiquerez si ça vous tente. Mais on cite une anecdote bien intéressante. L'intérêt de Becker pour l'économie du crime est ancien. L'anecdote voudrait qu'en retard pour faire passer un examen, il voulut arbitrer entre payer une place de parking et perdre du temps ou se garer illégalement et risquer de payer une amende. Après un rapide calcul entre la probabilité d'être arrêté et de payer une amende et le coût de se garer proprement, Becker décida rationnellement de choisir le crime. L'hypothèse de Becker est ici que les criminels font ces mêmes calculs rationnels. J'ai trouvé ça... Je suis pas sûr que c'est aussi froid que ça, mais en même temps, ça te permet de jeter un éclairage différent, pas juste dire il y a une question de disposition mentale. Certes, ça a été prouvé, démontré, mais c'est pas inintéressant. Ben, c'est très intéressant, mais en même temps, c'est qu'on est rendu, je ne sais plus si on est encore vraiment dans la rationalité pure, là. Il y a un peu de la psychologie, oui, non, c'est ça. Les valeurs morales. Mais c'est ça qui est intéressant chez Becker et le capital humain, c'est qu'on sort vraiment de l'homo economicus d'Adam Smith. Là. On se modernise. On va faire une courte pause là-dessus, puis au retour, on poursuit en parlant notamment de ces notions-là très, très privées d'ailleurs, dans un instant. C'est l'émission Économophile qui se poursuit à CKRL 89,1 avec David Lemelin au micro, la collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier, notre invité est l'économiste Jean-Michel Cousineau. La mise en onde, c'est Guérit d'Horreur qui est là. On parle de capital humain, alors la vie privée sous l'angle économique. Et là, on va aller loin, Jean-Claude, on s'aventure, on s'amuse, on y va, on fonce. C'est à Saint-Valentin. C'est à Saint-Valentin, après tout. On va parler de l'économie et du couple. Là, tu voulais juste me mettre en contexte ce que je vais lire. C'est-à-dire que ça date pas d'hier matin, ce que je vais lire. Non, ça date quand même des textes. C'est reçu des textes de Becker qui datent du début des années 70. Fait, faut se, en tout cas, les plus vieux d'entre nous peuvent se remettre dans le contexte. Donc, on parle ici, c'est dans un article, deux articles en fait publiés en 1973 et 1974, Gary Becker a jeté les fondements d'une théorie économique du mariage et de la famille. Fondement que le professeur canadien Jean-Luc Miguet a résumé de la façon suivante dans sa communication au Congrès, on parle de 1976, des économistes de langue française. Alors, attachez-vous, je vous jure, c'est vraiment intéressant. C'est l'une des grandes contributions récentes de l'analyse économique, écrit-il, a été d'appliquer intégralement au secteur domestique le cadre analytique traditionnellement réservé à la firme et aux consommateurs. En faisant du ménage une unité de production au même titre que la firme classique, on découvre que ses fondements analytiques sont en fait identiques à ceux de la firme. Comme dans la firme, les deux parties en ménage évitent, grâce à un contrat qui les lie pour de longues périodes, les coûts de transaction et le risque d'être privé à tout moment des inputs du conjoint et partant de l'output commun du ménage. Qu'est-ce en effet que le ménage, sinon le ménage c'est quoi là? L'engagement contractuel des deux parties à fournir des inputs spécifiques et à partager dans des proportions données les bénéfices de l'output du ménage, hein? Ainsi donc, plutôt que de s'engager dans un processus coûteux pour renégocier et superviser de façon incessante l'innombrable quantité de contrats inhérents aux échanges de la vie domestique de tous les jours, les deux parties fixent dans un contrat à long terme les termes généraux de l'échange qui les régiront. Une relation de partenaire, c'est-à-dire de contrôle mutuel, se substitue à la relation commerciale, c'est-à-dire au prix, tout comme dans les firmes classiques. Grâce à la faible taille de la société, grâce à la faible taille de la société domestique et à la connaissance intime que chacun possède des caractéristiques du conjoint, l'organisation de la production en équipe à l'intérieur du ménage coûte moins cher sous un régime de contrôle mutuel que sous un régime de tarification marchande. Le seul élément qui distingue analytiquement, la firme classique réside dans le fait que l'intérieur du ménage, la relation de partenaire peut être désirée pour elle-même, le rôle de l'amour. Et c'est entre parenthèses. Partant de là, le mariage est conçu comme une institution économique au sein de laquelle le partage des activités domestiques est déterminé par une série de coûts implicites dont les conjoints essaient de maximiser le produit en se spécialisant dans les tâches pour lesquelles leur productivité individuelle est plus élevée que celle de leur partenaire. Écoute, j'ai trouvé ça, là. C'est fascinant de découper ça à la fine lamelle comme ça, économique. Wow! Ben, c'est très froid, admettons. C'est une vision du couple qui est pour le moins un peu déprimante là, jusqu'à un certain point. Mais ça illustre bien l'approche de Becker, comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est-à-dire qu'on applique à n'importe quelle décision individuelle ou privée le même modèle que pour l'entreprise, finalement, qu'une entreprise privée. Fait que ça a des limites. Je pense que c'est un peu un exemple caricatural. Il ne faut pas juger Becker juste à partir de cet élément-là. Mais reste que, malgré tout, on pourrait même argumenter, puis ça des fois, ça scandalise nos âmes d'occidentaux, mais il y a d'autres sociétés là, tu sais, où les mariages sont arrangés d'avance entre les deux familles. Puis c'était même ici, le cas ici, même anciennement en Occident, c'est un peu cette approche-là. Les deux familles se rencontraient puis disaient, on va marier notre progéniture parce que bon, ils se débrouilleront bien puis ils finiront bien par semer à un moment donné. C'est un détail. Oui, parce que il y a calcul. Puis d'ailleurs, dans le texte, là, si je poursuivais, on parle aussi dans le fond, de faire le calcul, le coût, puis tenir en compte la séparation. Hein, on doit tenir ça en compte. Dans notre calcul. On dit même qu'on aborde même l'idée que les couples qui se ressemblent, s'assemblent, seraient une meilleure tendance économique que le contraire. C'est-à-dire qu'on dit que sur le plan génétique héréditaire, on risque d'avoir des enfants, qu'on est mieux outillés, mieux équipés si on se ressemble et qu'on connaît déjà les caractéristiques. Vous voyez que ça peut aller loin, là, l'analyse. Bien, ça a même affaire qu'en affaires. En affaires, tu as intérêt à faire quelqu'un. Et c'est souvent, ça va être quelqu'un que tu connais déjà, là. Tu sais un peu plus que si tu peux y faire confiance. Tu connais un peu ses manières de s'exprimer, ses manières de travailler. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, qu'il dit. Encore une fois, c'est un peu caricatural, mais ça illustre bien le concept, en tout cas, l'approche de Becker. Fait que, autrement dit, avant de vous matcher avec quelqu'un dorénavant, faites une étude de marché, une étude d'impact. après ça, vous serez capable. Non, mais on le disait un peu avant l'émission, si tu l'aurais pu répéter, c'est que ça peut s'appliquer aussi au divorce, finalement. Oui, dire, bon, finalement, je ne suis pas tout à fait satisfait dans mon couple, mais ça va peut-être... Moyen. J'ai pas un moyen de divorcer. Oui, c'est vrai. Effectivement. Donc, il y, y a cet aspect-là. Est-ce qu'on poursuit avec l'éducation ou tu avais d'autres choses à ajouter sur le volet-là? L'éducation, on le gardera pour après l'entrevue, je pense. Parfait, très bien. Donc, est-ce que si tu as d'autres choses à ajouter, sinon on va écouter M. Cousineau tout de suite. Parfait. Donc, pour le prochain volet, effectivement, là, j'ai posé la question à M. Cousineau, Jean-Michel Cousineau, professeur à l'Université de Montréal, vraiment sur cet aspect-là de l'éducation, parce que on va avoir tendance, on l'entend quand même de temps en temps, à faire une corrélation entre les besoins de l'entreprise, la formation, ça devient comme capital, hein, pour utiliser un mot approprié aujourd'hui. Mais voici ce qu'a à dire là-dessus, M. Cousineau. Est-ce que ça pose aussi la question de, par exemple, est-ce que l'école doit être au service de l'entreprise ou encore de la personne? Parce que quand on parle de productivité, forcément, on pourrait être intéressé à faire un lien direct, c'est-à-dire formons des gens pour être capables d'être productifs, point. Oui, ça, il faut faire bien attention à ça. Si on tient un discours là, où on veut que les gens ou qu'une société soit plus prospère, la dimension du capital humain est déterminante. La recherche de former des gens qui sont les plus proches possibles des besoins de la production est déterminante. Sauf que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'humain ne se limite pas à un compte en banque. Et on peut avoir beaucoup d'argent et avoir aucune culture, aucune ouverture sur l'art. Et à ce moment-là, on peut mener une vie relativement limitée sur le plan humain. Et ça peut être relativement triste. De sorte que la formation, si on veut faire des humains complets, doit comporter des éléments qui sont rattachés à l'économie, mais doit aussi comporter des éléments qui sont reliés à l'humain, à son épanouissement. Donc, il n'y a pas lieu d'être extrême d'un bord ou de l'autre, là. C'est les extrêmes qui sont à craindre, je crois. Parce que c'est pour ça qu'il parlait des valeurs, d'ailleurs, aussi. Hein? C'est-à-dire que tout ne se résume pas à apprendre, mais, par exemple, à comment opérer telle machine, puis voilà, c'est terminé. Là. Oui. Moi, j'aurais un peu ça à reprocher, mais là, je m'avance un peu, là, parce que je ne connais pas assez. Mais on vend beaucoup le système allemand. Je suis porté à penser que, oui, ça fait de super techniciens, puis ça fait de super économies, mais ça peut être super ennuyant. c'est limitatif un peu, oui. Ça vérifie. Et maintenant, si on rapporte un peu chez nous en pensant un peu à cette manière de voir de Becker, en tout cas surtout en parlant du capital humain, qu'est-ce qu'il faut penser de la place de la formation au Québec, même du taux de diplomation universitaire au Québec, parce que c'est une préoccupation, on le sait. Oui, la bataille, on sait, va se mener là-dessus. Notre compétitivité va se mener là-dessus. Et l'enrichissement, on découvre de plus en plus que c'est l'humain qui va être la source future de l'enrichissement, puis de la prospérité, puis de la qualité de vie. Puis on parlait tout à l'heure de culture et d'art. C'est clair que toutes ces bonnes choses, toute la sécurité économique, le problème de soutien du revenu, l'harmonie, la cohérence, la cohésion sociale, ça dépend de la prospérité. Pas de prospérité, rien de toutes ces autres choses. Et le capital humain est, par définition, là, et par expérience, la clé pour atteindre ces objectifs-là, ce qui fait que ça doit se situer dans le plus haut des priorités d'un gouvernement, notamment si on parle du Québec ou du Canada. Est-ce que ça s'inscrit encore davantage dans un contexte où, dans la mondialisation, il devient difficile de compétitionner pays contre pays, surtout quand il y a des droits humains qui ne sont pas toujours respectés? Donc, ce faisant, nous, on met sur le savoir davantage, c'est ça pour dire qu'on va être compétitif sur le plan du savoir, pas capable de, même dans l'optique où on robotise de plus en plus, c'est pas dans l'opération mécanique qu'on va travailler, c'est davantage avec le savoir, avec le cerveau, avec la recherche, quoi. Oui, c'est ce qui donne de la valeur là aux choses, c'est ce qui est entre les deux oreilles, relié avec l'instruction, si on veut, qui peut alimenter cette pensée ou ce cerveau. Et parce que, vous voyez, si vous avez une puce électronique, c'est ni plus ni moins qu'un grain de sable, là, et ça vaut rien. Mais à partir du moment où c'est devenu une puce électronique, bien là, ça peut valoir, le même grain de sable peut valoir 92 $, 112 $. Une pièce de vêtement, quand elle est devenue là, portée sur les grands créateurs, bien, ça vaut des milliers de dollars. C'est toujours ce qui est entre les deux oreilles. Des médicaments pour le cœur, ça peut sauver des gens. Et bien souvent, c'est extrait d'une plante. Ça ne coûte rien. C'est notre génie, c'est notre invention, c'est notre effort à travers l'éducation qui conduit à notre progrès et civilisationnel et économique. Et en terminant, est-ce que vous le sentez quand même, parce que vous dites que c'est important, ça devrait être la priorité pour les gouvernements, est-ce que vous le sentez comme ça? Est-ce que vous sentez qu'on réalise bien cette importance-là du capital humain? Moi, je pense que les gens individuellement, les familles, vous les voyez, là, ils cherchent le mieux pour leurs enfants. Ils accordent beaucoup d'importance à l'éducation. Je trouve qu'on exagère en disant que les Québécois y accordent moins d'importance que les autres. Peut-être que le discours qui dit qu'on doit leur accorder plus d'importance que les Québécois en accordent pas assez, c'est tout simplement pour favoriser, remonter la priorité de l'éducation. Mais je suis relativement confiant. La seule question, vous l'avez posée aussi tout à l'heure, là, c'est quelle éducation? On investit plus dans l'université. Est-ce qu'on investit plus dans certains départements à l'université plutôt que d'autres? Est-ce qu'on investit plus aux études supérieures de l'université? Est-ce qu'on investit dans les cégeps ou on les abolit? Est-ce que on parle beaucoup d'investir dans les investissements dans l'éducation préscolaire, parce que là, il a été démontré que c'est là que le rendement de chaque dollar est le plus élevé. Il me semble que les économistes, là, je vais attaquer mon propre métier, là, ma propre profession. Les économistes nous disent l'éducation. Moi, je pose la question, quelle éducation? Puis on n'a pas répondu à ça. Fait qu'il faudrait qu'on arrête de dire l'éducation, puis faudrait qu'on soit plus précis, puis qu'on approfondisse un peu ce qu'on veut dire par ça. De cette manière-là, on serait plus utile. Quelle éducation? Grande question. Puis j'ai trouvé vraiment ce segment-là extrêmement intéressant. Des questions fondamentales et profondes sur l'éducation, effectivement, sur son rôle dans la société, dans notre économie. Oui, ben j'ai bien aimé aussi surtout la question finale là, posée par Monsieur Cousineau. Quelle éducation? Je ne sais pas exactement tout ce qu'il y avait en tête en disant cela, mais moi, ce que ça évoque chez moi, c'est que c'est une chose qu'une question qui m'interroge, qui m'interpelle depuis déjà plusieurs années. On s'est encore fait dire il y a quelques jours, là, il y a eu un colloque à Montréal là-dessus par le groupe Cyrano. On a sorti l'idée que le Québec est encore le parent pauvre au Canada parce qu'on a au moins diplômés post-secondaires, donc collégial et universitaire, que le reste du Canada. Mais moi, je me demande si c'est vraiment ça le problème. Si on a à peu près, là, c'est autour de 35-40%, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais de diplômés collégiaux ou universitaires au Québec, puis au Canada, c'est peut-être 45%. En Corée du Sud, c'est 70%. Mais ce que ça fait, puis... alors que les emplois qui d'autres études, d'autres analyses nous disent par contre que les emplois qui demandent un diplôme universitaire, c'est autour de 20% des emplois. Alors j'ai été conforté un peu dans mes doutes cette semaine. Le numéro de cette semaine de The Economist, que je cite pratiquement toutes les semaines ici, oh oui. Comme par hasard, il y a un article extraordinaire, extraordinaire dans ma perspective à moi, qui dit, coudonc, l'éducation universelle, ça sert-tu à autre chose qu'à diminuer les salaires des professionnels? Parce que, justement, à cause de ce déséquilibre entre l'offre d'universitaires, de diplômés, et la demande n'est pas là. On a besoin de 20% d'universitaires dans la société. Bien, ça fait pas fait que beaucoup de gens qui se ramassent surqualifiés dans leurs emplois. Puis pour les économistes, ils commençaient à dire c'est peut-être un problème. Fait que ça rejoint un peu la question de M. Cousineau, quelle éducation veut-on? Et peut-être M. Cousineau avait quand même la sagesse de dire je connais mal le cas de l'Allemagne. Je ne le connais pas non plus beaucoup. Je ne le connais sûrement pas plus que M. Cousineau, mais j'ai quand même déjà vu des chiffres qui disaient, par exemple, que l'Allemagne, faut se rappeler que l'Allemagne, c'est la grande réussite des pays occidentaux. C'est le seul pays qui a réussi à tenir tête jusqu'à un certain point à la Chine depuis 20 ans en termes de capacité d'exportation. L'Allemagne, il y a à peu près 15% de diplômés universitaires. C'est des techniciens qu'ils forment, des gens des collégiaux au Québec, ce serait des diplômés de cégep. Parce que l'économie moderne a besoin peut-être plus de techniciens que de diplômés universitaires. Bon, évidemment, la question, elle est complexe, puis je vais te challenger un peu, parce que je pourrais te dire qu'il y a aussi beaucoup d'immigrants sous-payés qui servent bien l'Allemagne. Fait qu'il y a toutes sortes de facteurs, mais je trouve ça intéressant et profond, cette question-là, parce que quand on parle de l'éducation, il dit quand même en même temps, tu sais, l'économie change beaucoup, puis on le dit nous-mêmes chaque semaine, ça évolue. On sait que beaucoup des emplois actuels 2018, dans 20 ans, seront même plus là. Donc, comme ça fluctue, comme ça change, comme on a de la difficulté à prévoir, il faut être polyvalent. Si tu apprends une technique, si dans un canal, tu risques d'être pogné. Il y a ça aussi que l'université te donne quand même. En tout cas, quand on vise des études un petit peu plus étendues, d'avoir cette capacité-là de voir plus, d'en savoir plus, d'être capable de te revirer de bord. C'est pas fou, ça. Ben, c'est pas fou. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça, on n'a pas. Je suis pas sûr, M. Cousin. Non, il l'a pas abordé. Mais il n'a pas abordé. Ça pose la question. Il y a trois personnes. C'est un capital humain qui est concerné par trois entités, l'individu qui prend une décision ou non de s'éduquer, le gouvernement qui décide ou non d'aider les études et l'entreprise. Mais moi, je pense que ça veut dire, c'est que peut-être que le meilleur modèle, ce sera une formation générale, peut-être en sciences politiques ou en communication ou en économie, formation générale en humanité et la formation à la tâche se fera en entreprise. Ouais. En tout cas, ça peut être une formation générale, ouais. Une formation technique au cégep, mais pas trop pointue et dépendant des emplois que tu occupes dans une entreprise ou l'autre, là, on te forme tant que la technologie demeure applicable. Quand la technologie change, on te forme à d'autres choses. Donc, je pense qu'on sous-estime. Puis je pense qu'en Allemagne, je connais peut-être pas souvent le modèle, mais je pense que l'entreprise joue plus son rôle qu'en Amérique du Nord pour former à la tâche. En termes de payer, de mettre leur part à eux, ouais. Ils recrutent du monde, ça s'attend pas à ce que la personne arrive toute formée d'avance. Mm-hmm. Ils le forment en emploi. Je vais te lire quand même, tu me vois venir sans doute, là, le texte d'Antoine Babi qui est paru dans le 11 septembre 2017 dans la section idée du Devoir, qui parle de main basse sur l'école. Lui, vous allez voir, son opinion là-dessus est très claire, très nette. Puis moi, je le rejoins pas mal, je te le dis. Alors, il dit, le temps est venu pour l'école d'exiger de l'entreprise un nouveau partage des responsabilités et des coûts de la formation professionnelle et technique. Une fois de plus, les porte-voix de l'entreprise privée manifestent leur intention de faire main basse sur l'école dans le but de la réduire à n'être qu'une manufacture de main-d'œuvre. Quelques apparatchiks du néolibéralisme ont en effet exprimé le fond de leur pensée dans un article récent publié dans Le Devoir, on parle du 30 août. Ils veulent le bien de l'élève et ils l'auront, à moins que les forces progressistes ne leur opposent un vigoureux no passaran, parce que le bien de l'élève dont il est question ici, c'est une main-d'œuvre immédiatement productive et flexible, c'est-à-dire éjectable après usage, selon les besoins du profit. Sous le titre trompeur de la réussite des élèves comme projet de société, ces gens font un amalgame irresponsable comme si l'achèvement suprême de la réussite scolaire était de mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre immédiatement opérationnelle et compétitive. On connaît la rengaine. Eux disent que la conjoncture actuelle commande plus que jamais de resserrer les liens école-entreprise, alors que moi, je dis qu'au contraire, il faut les relâcher. L'intérêt de l'élève commande au contraire le relâchement des liens école-entreprise. Plus ça va, plus la durée de vie utile d'une formation professionnelle est technique initiale et courte dans la plupart des domaines. Donc, ce qui m'amène, je vais vers la fin, je vous passe tout le reste. Il dit, à quoi sert donc maintenant de resserrer ces liens dans un contexte aussi imprévisible et évanescent en matière de qualifications requises, uniquement à faire former par l'école et à coût nul une main-d'œuvre rentable à court terme, mais qui sera aussi de ce fait captive, rapidement obsolète, difficilement recyclable et encore plus difficilement reconvertible. Conséquemment, le plus sale tour que l'école peut jouer aux jeunes d'aujourd'hui à ce niveau est de se soumettre aux dictats de l'entreprise et de les enfermer dans une formation pointue qui risque de tomber en désuétude rapidement, ce que l'entreprise demande de manière incessante. Voilà. C'est très bien dit. C'est bien dit. Non, mais c'est pas mauvais. Non, c'est tout à fait d'accord avec c'est ça. C'est de dire aussi quand même de voir large. Tu sais, puis je pensais même, en lisant ça, je pensais entre autres à la philo, le commentaire qu'on peut avoir sur les philosophes, on ne formera pas des philosophes quand même. Ben, peut-être. Bon, oui, moi, je dis un peu la même chose tantôt, mais dans d'autres temps. Mais effectivement, une formation générale fournie par l'État, en fait, le système d'éducation, puis que la formation à l'étage soit complétée par les entreprises. J'aimerais ajouter une autre statistique, moi, parce qu'on blâme, certains blâment que les Québécois sont pas assez éduqués, mais par rapport au reste du Canada, mais il faudrait vous dire qu'on paye moins les enseignants aussi au Québec que par rapport au reste du Canada. Une statistique là-dessus, les enseignants du premier cycle du secondaire, la partie la plus difficile pour les enseignants, premier cycle du secondaire, le Québec, les salaires varient de 42 000 à 75 000 $ par année, dépendant de ton ancienneté. Au Canada, c'est 10 000 $ de plus. De 52 000 000 à 85 000. Donc, on peut même dire qu'il faut faire un rattrapage en termes de diplôme, mais il faudra faire un rattrapage en termes d'appui à nos enseignants aussi. J'ai pas les chiffres, mais j'avais vu un commentaire circuler sur Facebook qui disait, on voyait l'image de Mme Merkel et qui disait, vous voulez gagner autant que les professeurs en parlant des ingénieurs, mais comment je pourrais vous offrir autant que ceux qui vous ont formé? C'est pas bête. Petite pause musicale, on revient dans quelques instants. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Ouais, c'était tout à fait volontaire comme choix musical, bien entendu. Je suis assez conséquent là-dessus. Jean-Claude, d'actualité, toutes sortes de choses. Je vais me garder dans ma manche l'histoire des Canadiens coupables d'infidélité financière. Je veux en parler, mais d'abord, il y a toutes sortes de choses dans l'actualité fascinantes. Bel hélicoptère, perd son contrat aux Philippines. Ça a fait jaser cette semaine. Il y avait un deal sur la table, deal qui n'est plus là. Effectivement, oui, on voulait. C'était un contrat de 250 millions là, pour quelques dizaines d'hélicoptères au gouvernement qui est très autoritaire de Rodrigo Duterte, c'est-à-dire président ou premier ministre président des Philippines. Oui, et on a appris hier, que finalement Duterte avait décidé de retirer son offre d'achat des hélicoptères en question. Oui, c'est ça. Ils disent je veux dire aux forces armées d'annuler l'entente, de ne pas aller de l'avant et nous trouverons un nouveau fournisseur, a déclaré le dirigeant autoritaire dans une apparition télévisée vendredi, puis il a confirmé les craintes qui avaient émergé au Canada quant à l'utilisation qu'il comptait en faire. C'est ça l'affaire, c'est qu'en fait, il disait « je vais vous acheter des hélicoptères parce que je veux faire du sauvetage », mais finalement, ce qu'on avait entendu dire, c'est-à-dire « j'achète des hélicoptères parce que je veux les achever », a lâché le président philippin en faisant référence aux rebelles musulmans et terroristes du sud du pays. C'est ça l'affaire aussi, c'est que tu te présentes, tu dis « je veux sauver du monde », mais là-dessus, je questionne fortement nos habitudes de dire « oh, on va faire semblant qu'on va le croire. Franchement, on devait le savoir ce qu'il voulait faire. Ben, ça fait déjà un an et demi que Duterte scandalise un peu les gens un peu plus progressistes dans le monde, parce que lui, il a été élu en disant, moi, je vais m'attaquer aux trafiquants de drogue, puis je vais les tuer. C'est tout simple que ça. Pas une seule affaire de procès. La cause est entendue d'avance. Fait qu'il s'est attaqué à... C'est remettre en cause l'état de droit, là. C'est-à-dire la présomption d'innocence dans le cas des trafiquants de drogue. On les tue, puis on pose des questions après. Puis là, dans ce cas-là, c'était plus des groupes d'opposition dans une partie du pays voulait s'attaquer, dans le fond, groupes qui le remettaient en cause son gouvernement. Donc, et d'ailleurs, c'était vanté d'avoir largué un homme du haut de l'un de ses appareils en plein vol et assuré qu'il le referait sans hésitation. C'est ce genre de chic type, Duterte. Mais je reviens quand même à la question morale. Je sais que la vente d'armes, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est payant. On le sait, ça. Mais moralement, à un moment donné, il faut tracer une ligne. Ben, faut avoir le courage de le faire, mais il reste que, malgré tout, c'est plate pour les travailleurs, peut-être, de bel hélicoptère, là, au nord de Montréal. Mais probablement qu'ils auront d'autres contrats, moins controversés. Mais on a toujours dans le collimateur, le contrat avec l'Arabie Saoudite, là, c'est pas 250 millions, c'est 15 milliards de dollars avec un gouvernement qui est lui aussi, l'Arabie Saoudite, qui est très autoritaire. Et ça a été remis en cause lors de la dernière campagne électorale, par Gilles Duceppe, qui a posé la question lors du débat des chefs, je m'en souviens très bien. Ouais. Et depuis ce temps-là qu'on vit avec ça, mais le gouvernement libéral fédéral n'a pas osé tout encore annuler le contrat en question. Mais c'est encore ça, parce qu'on les voyait réagir avec gêne au Parlement canadien. « Ah, on comprend, oui, je sais bien, bon, il faut faire attention à ça. » Ouais, mais tu le fais pareil. C'est juste que là, on t'a tapé sur le doigt, on t'a pris la main dans le sac, mais ouais, ben, ça change pas la philosophie profonde. Ben, il faut admettre que 15 milliards de dollars de contrats dans le sud de l'Ontario, là... C'est... On renonce pas à ça facilement. Ben, peut-être, mais tu sais, si tu fais d'une bonne job ces paradis fiscaux, tu vas les avoir, tes 15 milliards. Mais reste que moi, indépendamment, dans le fond, du gouvernement canadien ou québécois, là, que ce qu'on peut faire, il reste que dans le monde, c'est une question très, très préoccupante. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de chiffres là-dessus. Puis j'entendais justement un commentateur, un spécialiste mondial là, qui a écrit des livres là-dessus, qui disait le génie du commerce des armes, dans le fond, c'est que ça passe sous les radars. Il y a toutes sortes de lois dans tous les pays qui interdisent qu'on puisse vraiment avoir les vrais chiffres. Fait que ça ouvre la porte à des corruptions parce que des contrats faramineux. Mmh. Fait que lui, il estime à 40 % de la corruption dans le monde qui est liée au trafic des armes. Puis souvent, c'est des ventes d'armes à des pays qui n'en ont pas besoin parce qu'ils n'utilisent pas, parce que ça ne vaut pas la peine, ils n'ont pas de problème. Mais les contrats se font pareil parce qu'ils graissent la patte des politiciens. Parce que c'est beaucoup d'argent, puis ça tombe. Les vérificateurs généraux n'ont pas accès à ça, parce qu'il y a toujours une loi qui empêche la transparence de se faire sous ce contrat-là, sous prétexte de la sécurité d'État. Ce qui me ramène à ce qu'un de mes amis historiens me disait, c'est tellement payant une bonne guerre. Hein? Des fois, c'est bon pour l'économie, comprends-tu? Effectivement, dans l'actualité aussi, Jean-Claude, je me permets, avant qu'il soit trop tard, de lire le bout que je dis que je vais lire depuis tantôt. Un tiers des Canadiens coupables d'infidélité financière, imaginez-vous donc, à l'approche de la Saint-Valentin, une nouvelle enquête d'opinion suggère que les Canadiens devraient peut-être discuter d'infidélité avec leur partenaire. D'infidélité financière, j'entends. Le sondage léger mené en ligne pour le compte de la Société Crédit Canada et du Conseil des normes de planification financière indique que 36 % des répondants ont déjà raconté un mensonge financier à leur partenaire de vie. Un pourcentage similaire de participants affirme avoir déjà été victime de l'infidélité financière d'un conjoint. L'infidélité financière le plus souvent rapportée concernait les cartes de crédit utilisées en secret. D'autres ont parlé de mensonges sur le revenu réel, d'achats importants sans en parler au conjoint ou de faillite inavouée. L'enquête révèle d'ailleurs que 34 % des participants ont déjà caché à leur partenaire actuel un secret sur leurs finances. Ça prouve que Becker n'avait pas tout à fait tort de dire que le ménage, c'est aussi une union économique. Tu vois, mais c'est ça. Puis oui, quand tu veux avoir les vrais chiffres sur la table, quand je disais de faire une étude d'impact puis d'évaluation environnementale, tant qu'à y être. D'autres choses, Jean-Claude? Non, mais... Sinon, on aurait pu parler de Wall Street, dire que ça, hein, ça a été le montagne russe. Les montagnes russes, oui. Ça remonte un petit peu, mais c'est encore déficitaire pour la semaine, en tout cas. Pourtant, Trump devait régler ça, non? C'est bon, on va y aller. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. On n'a pas notre question de la semaine. Ah, question de la semaine. Vas-y donc rapidement. On a le temps, même si on va laisser la pièce aller. Vas-y, je t'écoute. La question de la semaine. La question, c'est l'effet du chocolat sur la balance commerciale du Canada. Oui, les gens nous attendaient avec ça. Là. On importe 1 milliard. En 2015, on importait pour 1 milliard de chocolat. Mais chose étonnante, on en exportait pour 1,4 milliard. Donc, on a une balance commerciale d'un produit de chocolat favorable au Canada. Ça rapporte, ça fait remonter le taux de change du dollar canadien, les ventes de chocolat. Bien, c'est du chocolat transformé dans le port des cas ou des préparations. Le Québec est la principale province exportatrice. Le Québec en exporte là-dessus en dollars, c'est des dollars américains tantôt, 1,2 millions de dollars, milliards de dollars canadiens dans ce cas-là. Ça m'étonne, j'aurais pas gagé là-dessus. Donc, c'est bon pour la balance, mais un petit peu moins pour celle physique, peut-être. Ou M. Boncom, mais ça fait du bien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci pour la collaboration. Merci à notre invité, Jean-Michel Cousineau. Merci beaucoup à Gary Doher pour la mise en onde. La semaine prochaine, la productivité, bande de loches. Alors, manquez pas ça, on va en parler, là. C'est important. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.